Pour clôturer sa semaine de la chanson française, Radio Campus vous donne rendez-vous le vendredi 29 mars 2013 à 20h30 à la Maison des étudiants de la Cité scientifique de Villeneuve-d'Ascq pour une soirée cabaret en acoustique sur le thème « Autour de Brassens » avec au programme Thibaut de Fever, Dominique Boss, Michel Lebourg, Alain Laurent et Goun. Petite restauration sur place, entrée gratuite dans la limite des places disponibles, plus d'infos au 03 20 91 28 75 ou sur www.campuslille.com. Il est midi, nous sommes bien le troisième samedi du mois de mars et vous êtes au rendez-vous sur 106.6 MHz, autant dire Radio Campus, pour écouter une émission engagée Angle d'attaque, l'émission de l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Et nous aussi, nous sommes là pour vous parler de notre visite au sein de l'économie sociale et solidaire, visite qui a commencé en octobre. C'est donc la sixième émission consacrée à l'ESS alternative, parmi d'autres à l'économie libérale capitaliste, et c'est la troisième consacrée au financement. Après les cigales, après le crédit coopératif, voici le financement de la terre, sous la forme de financement solidaire, bien entendu. Pour cela, René et Christian vont accueillir William Leveluc, qui vient nous parler de Terre de Liens, avec Elena Ferrario. C'est Germain qui va regretter de ne pas être avec nous ce soir, puisque c'est lui qui nous a mis en contact avec cette jeune association Terre de Liens. Il faut dire que Germain est directement intéressé, puisqu'il a décidé de se lancer dans le maraîchage bio, ça va sans dire. Bonne chance à toi Germain, nous sommes tous admiratifs. Je précise que cette émission est enregistrée ce lundi 11 mars, qui marque le deuxième anniversaire de la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon. Bon, c'est pas tout ça. Il y a l'actualité d'attaque, la campagne pour une régie publique de l'eau bat son plein, les eaux du Nord contre-attaquent avec un courrier aux maires de toutes les communes. Pas n'importe quel courrier, 11 pages. C'est évidemment René qui en parle. Eh oui Antoine, 11 pages envoyées aux élus communautaires pour faire pièce au manifeste remis également aux élus par le collectif. Pour rappel, le collectif a édité un manifeste fin 2012. Et pour vanter les qualités d'une délégation par rapport à une régie publique, et corriger également de prétendues inexactitudes que comporterait ce manifeste. Le collectif a réagi rapidement en publiant un rectificatif concernant les affirmations les plus contestables des eaux du Nord-Suez. Sur la performance du réseau de distribution, les taux de fuite, la vétusté des compteurs, etc. Sur les provisions inemployées, le fameux litige entre les eaux du Nord et LMCU sur les 115 millions d'euros. Sur l'éventuelle reprise des biens de production. Sur le mode de gestion. Conclusion abusive et orientée sur une étude concernant les partenariats publics-privés. Mais cela n'est encore que de la petite bière, si j'ose dire. À côté de ce coup de théâtre que vous avez peut-être découvert dans la presse. En effet, le tribunal administratif a donné raison aux eaux du Nord-Suez dans le conflit qu'il opposait à LMCU, sur presque tous les points. Le remboursement des 115 millions d'euros, la baisse de 10% du prix de l'eau, ce qui signifie retour au prix antérieur dès le 1er septembre, et augmentation de 11% pour l'usager. Seule concession, la résiliation du contrat qui prend effet le 4 février 2015 au lieu du 31 décembre. Bien sûr, la communauté urbaine de Lille a décidé de faire appel, dénonçant une analyse libérale du marché de l'eau et une atteinte aux capacités de contrôle de l'autorité publique. Nous savions déjà que nous avions une justice de classe. Nous savons maintenant que nous avons également une justice de marché qui absout l'entreprise et condamne l'usager, à payer toujours plus, évidemment. Et monsieur Didiot, Jean-Christophe de son prénom, directeur des Eaux du Nord, ne dit pas autre chose quand il salue une décision qui confirme la ligne de l'entreprise, et qui par ailleurs propose à la communauté urbaine de Lille des arrangements, notamment de ne pas appliquer le retour à l'ancien tarif. Que signifient donc ces étranges manœuvres? Préparerait-on l'après-2015? Voilà en tout cas qui donne du poids au communiqué du collectif dont je vous avais fait part au cours de la dernière émission. Seul un retour en régie publique permettra de revenir à une gestion saine de l'eau en lien avec les citoyens. D'ailleurs, les thèses du collectif ont marqué des points vis-à-vis des élus de LMCU. Il est désormais question de reprendre le contrôle des unités de pompage, d'étudier sérieusement les différences de coûts entre public et privé, et la tarification progressive a été confirmée par Martine Aubry. Et le collectif continue donc ses actions. Le collectif poursuit bien entendu ses actions, notamment pour la sensibilisation du grand public. Alors, publication et diffusion d'un 4 pages exposant leurs revendications et informant des prochaines actions du collectif. Journée d'animation prévue avec tract, 4 pages bien sûr, pétition et sketch. Ce sera le samedi 16 mars, place Richebaie ou Grand Place, ce n'est pas encore bien fixé, à Lille de 14h à 16h. Et le samedi 23 mars à Roubaix. Réunion publique du 27 mars au théâtre Pierre de Roubaix, boulevard de Belfort à Roubaix, à 19h, avec pour intervenant Gabriel Amar, pour rappel président de la communauté d'agglomération des Lacs de l'Essonne, Éric Boquet, Slimane Thir, Faustine Haïssi et bien sûr Pierre-Yves Pira, porte-parole du collectif. Rassemblement au siège de la communauté urbaine de Lille, le jour de conseil communautaire, le vendredi 12 avril de 13h à 14h. D'autre part, la municipalité de Villeneuve-d'Ascq organise une rencontre débat le vendredi 12 avril, également de 18h à 21h, salle Marianne, rue de la Station. Mais certains éléments laissent croire que cette réunion pourrait être orientée. Aussi, le collectif entend bien être présent pour faire valoir ses positions. Et pour terminer, quelques infos. Des rencontres sont envisagées avec des formations politiques, notamment le mouvement des radicaux de gauche et la fédération PS du Nord. Le collectif anti-austérité, dont fait partie Attaque Roubaix-Tourcoing, a rejoint le collectif Eau, ce qui monte à 29 le nombre d'organisations membres. Le rassemblement du 15 février dernier, au siège de la communauté urbaine, est passé à l'antenne, sur FR3, le soir même. Malheureusement, seulement quelques secondes, et sans aucune explication sur les revendications et objectifs de cette action. Enfin, le 22 mars, ce sera la journée mondiale de l'eau. Et en ce qui concerne les activités d'attaque ? Alors, au plan national, c'est la préparation du Forum social mondial qui aura lieu à Tunis du 26 au 30 mars, dont je vous ai déjà parlé. Et également, samedi dernier à Paris, la chaîne humaine, organisée par le réseau Sortir du nucléaire, dont fait partie Attaque, et qui a rassemblé plus de 20 000 personnes. Au plan local, le 6 avril, à la maison de quartier de Vauban et Kerme, à Lille, le tribunal des banques, dont je crois tu vas nous donner des détails dans ton calendrier militant. Oui, bien sûr. Bien, on va rester avec l'actualité d'Attaque. René, on a participé tous les deux à une émission sur une réunion, pardon, sur l'économie sociale et solidaire à Roubaix-Tourcoing. Et ce qu'on a compris, ce qu'on a entendu, c'est que tout n'est pas forcément rose et violette dans l'économie sociale et solidaire. Et il y a certains aspects qui peuvent être sujets à des critiques. En tout cas, c'est ce qu'on a entendu de la part de nos deux collègues de Villeneuve-d'Ascq. Effectivement, au cours de cette réunion publique, organisée par nos amis d'Attaque Roubaix-Tourcoing, à la FAL de Roubaix, Jean Gadret, que tout le monde connaît, et Philippe Gantier, membre d'Attaque Villeneuve-d'Ascq, nous ont offert un tableau plus contrasté de l'ESS, pardon, de l'économie sociale et solidaire, en nous faisant part des imperfections, des risques qui pèsent sur celle-ci. Bien entendu, par les valeurs qu'elle porte, l'économie sociale et solidaire peut être une alternative au capitalisme actionnarial, mais des dérives sont possibles. Pour reprendre ce que nous disait Florence Janicatrice, l'économie sociale et solidaire est en permanence à un carrefour, ou disons en équilibre sur le fil. À chaque instant, il lui faut choisir entre rester fidèle à ses valeurs, au risque de rester marginal, ou se développer, avec le risque cette fois de perdre son âme et de reproduire le modèle classique. Ainsi, Jean Gadret nous cite Philippe Frémaux, auteur d'un ouvrage sur les perspectives de l'économie sociale et solidaire. qui distingue trois types de risques qui en menacent les principes. La récupération, c'est-à-dire l'économie classique adopte en apparence ou superficiellement certains critères de l'économie sociale et solidaire pour perdurer, par exemple en période de crise. La banalisation, l'économie sociale et solidaire adopte les mêmes modes de gestion que le privé lucratif, par exemple les banques mutualistes. Et enfin, l'instrumentalisation, là, l'économie sociale et solidaire, et notamment les associations, font de la « sous-traitance » entre guillemets pour les pouvoirs publics, en échange de subventions, avec le risque là de perte d'autonomie. Par ailleurs, Philippe Frémaux pointe également les imperfections qui freinent le développement de l'économie sociale et solidaire. Ce sont l'éclatement, le manque de projet global de société, la marginalisation par le politique et les pouvoirs publics, et le manque de stratégie et de moyens pour investir la grande industrie. Enfin, d'une manière plus immédiate, plus pragmatique, Philippe Gantier nous a présenté également les défauts de l'économie sociale et solidaire et les remèdes nécessaires. Une prise en compte insuffisante des parties prenantes, et notamment des salariés. Certaines associations ont un fonctionnement quasiment autocratique, et les salariés du secteur associatif, tout en étant soumis au même régime que les salariés des entreprises classiques, sont généralement plus précarisés, notamment l'importance du temps partiel dans ce secteur. Les SCOP, ou Sociétés Coopératives Ouvrières de Production, du fait de leur organisation, n'ont pas ce genre de problème. Par contre, elles sont limitées dans leurs possibilités d'investissement, d'où une absence dans les secteurs à fort besoin de capitaux et impossibilité de reprendre certaines entreprises en difficulté. Donc l'économie sociale et solidaire doit évoluer au plan de la démocratie interne, mieux prendre en compte l'ensemble des parties prenantes. Elle doit aussi imaginer d'autres moyens de répondre aux besoins sociaux, écologiques, en développant de nouveaux créneaux et d'autres types de partenariats, par exemple les sociétés coopératives d'intérêt général, ou SCIC, qui associent producteurs, usagers, collectivités locales, investisseurs. À l'exemple, par exemple, justement, de Terre de Liens. Qu'est-ce que tu conclus de cette réunion qui était quand même intéressante, hein ? Alors, actuellement, nous sommes dans une période de crise, une crise globale, à plusieurs dimensions, qui met à mal les valeurs classiques, ce dont pourrait bénéficier l'économie sociale et solidaire. D'autre part, de nouveaux secteurs d'activité inédits apparaissent. Par exemple, les coopératives de production et de distribution locale d'énergie, d'électricité surtout. Ensuite, le modèle économique dominant se révèle de plus en plus obsolète. Il y a des potentialités pour l'économie sociale et solidaire. Développement d'activités de proximité, circuits courts, pour lesquels elle est plus adaptée. Enfin, l'économie sociale et solidaire est également plus en phase avec une société de décroissance. On peut imaginer pour le futur un type d'économie associant l'économie sociale et solidaire, des PME locales, des services publics requalifiés en partenariat avec les associations. Merci René, je voudrais quand même ajouter, rendons à César ce qui lui appartient, à Philippe Frenot le titre de son livre, « La nouvelle alternative ». On enquête sur l'économie sociale et solidaire. On attendra un peu pour l'acheter puisqu'une deuxième édition est prévue pour le 4 mai. C'est paru au petit matin comme le livre de Jean Guédret, Adieu à la croissance. C'est donc une très bonne collection. Merci Christian, merci René. Nous allons faire une pause musicale avant l'entretien avec nos invités d'aujourd'hui. En or pour 800 euros par mois. Présent dans le routard depuis 1733. 12 mètres carrés d'Afrique pour un malien sans papier. C'est un peu le club sans la Méditerranée. En cas d'incendie, faut s'y prendre de bonne heure. Faire une demande de prêt pour obtenir un extincteur. Le genre d'endroit où tu peux toujours risquer le coup de grisou en préparant le mafé. Le concierge ressemble un peu à Indiana Jones. En moins Harrison, mais en plus aventurier. Chaque semaine, un facteur m'embêtement du tétanos. Et maintenant, Christian et René vont interroger nos invités de Terre de Liens. Un mot pour dire à nos invités pourquoi nous les avons invités et dans quel esprit nous sommes à attaque. Nous nous interrogeons sur l'économie sociale et solidaire, pas comme des curieux, ce qui serait déjà bien d'être curieux, mais parce que nous nous disons qu'elle peut apporter une autre réflexion sur un avenir possible et meilleur, que nous résumons dans cette sorte de profession de foi, une autre vision du monde est possible. Nous pensons en effet que cette autre vision du monde ne peut se fonder que sur ce qui existe, que sur l'existant, des choses concrètes, visibles, reconnues, qui peuvent nous rendre sinon optimistes, à tout le moins confiants en dépit du néolibéralisme ambiant et dominant. Terre de Liens fait-elle partie de ces associations qui font de ces choses concrètes qui nous rendent confiants? On pense que oui, disons-le tout de suite. Terre de Liens défend l'agriculture biologique en créant des emplois, ce ne peut que nous séduire. Terre de Liens s'attaque à l'ordre établi, et par le moindre, puisqu'elle s'oppose à la spéculation et par n'importe laquelle, la spéculation foncière, ça ne peut que nous plaire. Terre de Liens, en un mot, défend ce bien commun qu'est la Terre, c'est aussi notre combat. Nous accueillons aujourd'hui William Lovelick, animateur de Terre de Liens pour le Nord-Pas-de-Calais. Bonsoir William. Bonsoir. Et Elena Ferrero, qui est... comment ? Bénévole. Bénévole à Terre de Liens. Bonsoir. Donc, nous avons une vision déjà pas mal de Terre de Liens avec ces deux invités. Pour comprendre, William, il semble que nous devons passer par un peu d'histoire. Elle sera courte. Terre de Liens existe depuis 2003. Exactement. Alors, l'association nationale a été créée en 2003. Et en région, on a créé l'association en 2008, donc il y a 5 ans. Voilà, mais l'histoire de Terre de Liens remonte à un peu plus longtemps, parce que en fait le début des réflexions autour de d'un mouvement qui réfléchirait sur la Terre comme bien commun, ces réflexions ont démarré à la fin des années 90, on va dire, impulsées par des personnes issues à la fois de mouvements paysans, de mouvements de l'économie sociale et solidaire, et puis des agriculteurs biodynamistes, des citoyens qui se posaient des questions aussi sur la consommation de produits issus de l'agriculture biologique et paysanne. Voilà, donc ça remonte un peu plus loin, mais c'est pas né comme ça du jour au lendemain, on va dire. Oui, ça on peut l'imaginer, en effet. Mais ce rassemblement s'est fait comment ? Il y a un leader, un charismatique, un go ? Alors, il y a quand même quelqu'un, c'est vrai, je l'appellerai pas go, mais il y a quand même quelqu'un qui a beaucoup impulsé pour les réflexions, qui est le président actuel, qui s'appelle Sjoerd Vartena, donc en fait dont l'histoire est assez particulière, puisqu'il n'était pas agriculteur à la base, issu de Hollande, et il est arrivé dans la Drôme et s'est installé, on pourrait dire en néo-rural, voilà, quelqu'un qui s'installe en agriculture biologique, donc il a cultivé de la lavande, et bon, je connais pas toute sa ferme, mais je sais qu'il a beaucoup fait dans la Drôme pour impulser des nouvelles dynamiques de commercialisation, pour que les agriculteurs puissent être un peu plus maîtres de leurs prix, et puis il s'est très vite rendu compte qu'il y avait un problème d'accès à la terre, ne serait-ce que dans son village, et il a impulsé une dynamique qui est devenue rapidement une dynamique nationale, voilà, en lien avec le salarié aussi d'aujourd'hui du fonds de dotation, qui était le premier salarié de Terre de Liens, qui était en fait rattaché au début à une association d'éducation populaire. Donc Terre de Liens est aussi un mouvement qui se revendique de l'éducation populaire, on va dire. Comme Attaque, merci. Voilà, tout comme Attaque. Et donc du coup, ce premier salarié était porté par une structure qui s'appelle Relier, donc une structure qui fait de l'éducation populaire en milieu rural, et a initié donc ses réflexions, voilà, autour du foncier et Mais bon, donc Sjoerd Vartena et les premiers salariés n'étaient pas du tout les seules personnes autour de la table. Il y avait beaucoup de gens, il y avait la NEF, donc la nouvelle économie fraternelle, donc une banque éthique aussi, autour de la table lors des premières réflexions. Donc relié en tant que mouvement d'éducation populaire, un peu fondateur aussi de la dynamique Terre de Liens, et aussi des paysans et agriculteurs issus de la lutte du Larzac, donc qui étaient aussi dans la gestion de ce qu'on appelle un GFA. C'est un groupement foncier agricole. Donc en gros, le Larzac est aujourd'hui le plus gros GFA de France. Et donc le principe du GFA, c'est de pouvoir rassembler des sociétaires ensemble et porter la terre collectivement pour y favoriser l'installation. Alors bien entendu, GFA, c'est un outil de l'agriculture. C'est pas forcément un outil philanthrope. Il peut être utilisé de plein d'autres façons, mais les gens qui étaient autour de la table au moment de la création de Terre de Liens, pour certains, étaient des gens qui avaient contribué à la construction de GFA, donc à des portages collectifs de terres pour favoriser des installations ou démarrer des fermes en agriculture biologique ou biodynamique. Et la réflexion de Terre de Liens démarre vraiment autour de questions, on va dire, très très pragmatiques. On parlait de choses concrètes en introduction, de qu'on puisse reconnaître et qui soit visible. Les questions étaient très très pragmatiques. Les premières questions en fait qui étaient soulevées par les personnes qui étaient autour de la table sur ces histoires de GFA, c'était comment dépasser les limites du GFA. C'est-à-dire qu'on voyait un certain nombre de limites qui vont peut-être apparaître comme techniques, mais qui sont pas anodines, lorsque plusieurs sociétaires se mettent ensemble pour acheter de la terre et démarrer une ferme, enfin, ou faciliter le démarrage d'une ferme éventuellement. Ça peut poser des soucis, c'est si un des sociétaires part, la ferme est en péril. Donc, une des premières limites qu'on voyait au GFA. Par ailleurs, dans un GFA, un groupement foncier agricole, le GFA fait un emprunt, par exemple, la responsabilité individuelle des gens peut être mise en cause. Donc, en gros, s'il fait un emprunt et qu'on n'arrive pas à rembourser, la banque peut aller prélever les biens directement de la personne qui s'est lancée dans l'aventure. Ça peut refroidir des gens qui ont juste envie de participer à du portage collectif de foncier pour l'agriculture biologique, mais qui n'ont pas envie d'aller jusqu'à ce niveau d'implication individuelle, ce qui peut se comprendre. Donc la construction des outils financiers Terre de Liens, qui sont arrivés après, on va en parler, mais était fait pour répondre à ces limites techniques, on va dire, mais qui sont pas que techniques. René, une question. Oui, j'ai noté justement que donc Terre de Liens est partie de la Drôme, qui est avec les départements limitrophes comme l'Ardèche, les Alpes de Haute-Provence, des départements traditionnellement de retour à la terre et quand même d'assez grande sensibilisation à l'agriculture biologique et biodynamique. Justement, est-ce que vous pourriez nous présenter la différence un peu entre l'agriculture biologique et la biodynamie? Parce que c'est pas toujours évident. Oui. C'est Elena qui va répondre. Je peux essayer, mais je ne suis pas du tout une experte de ça, même si dans mon jardin, j'essaye de faire de l'agriculture biodynamique. je pense que l'agriculture biodynamique, c'est une branche plus spécifique encore de l'agriculture biologique. Les principes sont les mêmes, mais l'agriculture biodynamique, c'est un peu plus poussé. Elle prend en considération toute une partie je peux l'appeler même l'astronomie, et elle crée un lien très très fort entre la cultivation de certains produits et le mouvement de la Lune et des planètes qui influencent la croissance des produits. C'est quelque chose de très global. En somme, qui prend en compte l'ensemble de l'univers, si on peut dire. Oui. Et je crois que c'est pas inspiré aussi des principes de Rudolf Steiner. Oui, tout à fait. Ouais. En fait, Rudolf Steiner, au début du XXe siècle, a créé à la fois Enfin, c'est quelqu'un qui a réfléchi sur toute une série de domaines, sur la finance. Il y a aussi des mouvements de finance qui sont nés des réflexions de Rudolf Steiner, des réflexions sur la pédagogie aussi, et des réflexions sur l'agriculture, avec effectivement... Rudolf Steiner, moi j'ai pas vraiment beaucoup plus d'éléments sur qui ça peut être, mais... Voilà, il a créé toutes ces dynamiques là, et l'agriculture biodynamique, c'était l'idée d'aller vraiment plus loin qu'un simple cahier des charges, c'était d'être en relation, enfin c'est l'homme au milieu d'un écosystème véritablement, quoi. Donc et même plus loin, jusqu'à l'homme au milieu du cosmos pour les aspects, on va dire, les plus universels de l'agriculture biodynamique. Mais c'est une agriculture qui est quasiment pas pratiquée en Nord-Pas-de-Calais, par exemple. Mm-hmm. Voilà, on la trouve beaucoup en Alsace, on en trouve aussi dans le sud-est, ou en Allemagne, en Suisse. Ah oui. Voilà, mais pas en Nord-Pas-de-Calais, il y a pas vraiment d'agriculteurs. Dans la vallée du Pô. Ouais, quelques-uns. Bien, alors moi, comme je n'ai aucune connaissance dans le domaine, mais René est un horticulteur, donc il y a déjà une connaissance un peu plus précise de ces choses-là. Moi, je voudrais revenir sur ce qui a été dit par William tout à l'heure. Donc, apparemment, il y avait un catalyseur suffisait pour mettre des choses ensemble, j'ai l'impression, non, de ce que j'ai compris. Et donc c'était votre patron, je sais pas comment on l'appelle, votre PDG, non, c'est pas le bon terme. Short Martena, bon, il est président, mais voilà. Sherman. Ouais. D'accord. Alors, ça me semble avoir, parce que vous nous avez donné une littérature abondante, là, moi j'ai trouvé super bien fait le document. C'est quoi Terre de Liens et comment on s'y prend avec Terre de Liens. Je voudrais que vous nous expliquiez. La démarche, ça on a déjà compris un bout, mais la question d'achat de terre par la foncière, l'organisation aussi de Terre de Liens dans l'ordre que vous voulez. Donc l'achat de terre par la foncière, en gros le Terre de Liens, donc il y a la foncière Terre de Liens, je précise. La foncière Terre de Liens, donc Terre de Liens, c'est vrai qu'on est très connu pour cet outil qui est la foncière, qui est un outil d'acquisition de terre pour aller louer, donc favoriser le droit d'usage du sol à des gens qui souhaitent s'installer en agriculture biologique et paysanne, telle qu'on essaie de la promouvoir. C'est pas anodin si on a inventé cet outil, c'est qu'il y avait un problème d'accès à la terre en amont, quoi, et qu'il fallait y trouver une réponse. Et donc les premières réflexions justement dans les années 90 et puis qui ont amené à la naissance de Terre de Liens, en voyant que le prix des terres était dans certaines régions de plus en plus élevé, en concurrence avec l'urbanisation et même aussi en concurrence entre agriculteurs qui étaient prêts à mettre de plus en plus d'argent et faisaient grimper les prix, ça limite. Et puis il y avait de moins en moins de personnes qui étaient issues du monde agricole, donc qui avaient le patrimoine, donc qui pouvaient permettre de s'installer avec un patrimoine qui avait une valeur de plus en plus élevée. Et par ailleurs, des gens qui avaient aussi de moins en moins accès à l'information, quelles sont les terres disponibles, etc. Donc la problématique de l'accès à la terre devenait grandissante, et puis par ailleurs le modèle agricole prenait une orientation industrielle et les fermes une orientation vers l'agrandissement qui justifiait aussi d'avoir une réflexion sur ce foncier, son usage, sa réattribution éventuellement à d'autres personnes. Donc c'est ça qui poussait à la création d'un outil national, on va dire, et qui répondait aussi aux limites que j'ai expliquées tout à l'heure par rapport au GFA, de responsabilité, d'investissement tournant, etc. Si bien que la foncière a été mise en place, qu'est-ce que c'est ? Ça a été mis en place en 2006, c'est une société en commandite par action, on va dire un pur outil capitaliste initialement, qui était un peu... Date du 16e siècle quand même. Date du 16e siècle. Qui nous vient, il me semble, d'ailleurs, des commerçants italiens, initialement. Et qui a été détourné de ses fonctions, on va dire. L'avantage qu'il représente, cet outil, c'est qu'il peut déconnecter le capital, donc les personnes qui amènent de l'argent, déconnecter donc les actionnaires de la décision qui est prise sur l'orientation de ce capital. Éviter par exemple une prise de pouvoir de l'argent inamicale comme on dit en termes boursiers. L'idée c'est de se protéger de personnes qui pourraient mettre beaucoup d'argent et tout d'un coup décider du projet de qu'est-ce qu'on fait de cet argent. Devenir majoritaire de Exactement. Donc il y a plusieurs garde-fous, il y a le fait donc de déconnecter la décision et les actionnaires et puis il y a le fait aussi de limiter les apports en capitaux aussi, c'est-à-dire que chaque entrée en capital, si elle est trop importante, elle est réfléchie, analysée. Du coup, l'idée, c'était d'avoir une entité extérieure qui gère ce capital, qui est aujourd'hui et qui est en cours de réflexion. Mais ça regroupe à la fois le Terre de Liens et la Nef en tant que banque éthique et créateur de l'outil foncière. Donc du coup, il y a un représentant de l'association nationale qui gère cet outil, qui doit refléter la voix de l'association nationale. Cette société en commandite par action permet de rassembler de l'argent d'actionnaires sous forme d'actions, alors initialement de 100 euros, mais qui ont été revalorisées à hauteur de l'inflation à peu près, qui ont été revalorisées cette année à 102 euros par action. Et les gens peuvent devenir actionnaires, prendre une part, donc ou plusieurs, et participer à alimenter ce capital qui après dont le capital sera fléché vers des acquisitions de fermes. C'est quelqu'un, un candidat à l'installation en agriculture biologique ou paysanne, qui vient vers nous, qui nous dit j'ai cette terre, j'aimerais que Terre de Liens en fasse l'acquisition. Est-ce que vous pourriez la... Et nous, on instruit le projet, quoi. D'accord, on fait l'instruction du projet. Antoine. Est-ce que c'est le même système que les livrets Agir du Crédit Coopératif, où il y a un renoncement donc des sociétaires aux intérêts, un petit peu comme avec Terre et Humanis de Pierre Rabhi? Mais je vais laisser Elena peut-être expliquer quelle peut être la démarche d'actionnariat, enfin puisqu'elle est Elena est aussi actionnaire de la foncière, donc peut-être elle peut expliquer qu'est-ce que ça veut dire d'investir dans la foncière par rapport à un investissement, enfin est-ce qu'il y a un arbitrage entre d'autres investissements possibles? René, peut-être aussi une question dans le même simplement. Sens. Non, je voulais seulement préciser que les livrets Agir du Crédit Coopératif, c'est totalement différent. Ce ne sont pas des actions, simplement des livrets en fait, où les gens font entre guillemets des dons sur livrets. Justement, peut-être que j'ai pensé aussi, ça serait peut-être intéressant pour Terre de Liens que le Crédit Coopératif mette en place un livret Agir Terre de Liens. Mais... Et qu'on bénéficie des intérêts. Voilà, c'est-à-dire en fait les intérêts du livret sont divisés entre le particulier, la personne qui investit, et l'association qui l'a choisi d'aider. Oui, mais il est vrai que le terme action me choque un petit peu dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, donc je pense que ça doit avoir quelques explications, n'est-ce pas? La question est très simple. Quand j'ai commencé à gagner un petit peu de l'argent, je me suis posé la question, où est-ce que je vais mettre cet argent? Je me suis dit, est-ce que je le laisse dans ma banque? Ou une fois, je demandais à ma conseillère financière, je lui ai demandé, mais est-ce que, enfin, ça va où mon argent? Je le mets ici et puis qu'est-ce que vous faites avec? Et elle a pas su répondre à ma question. Et sinon, elle a sorti une liste de sociétés, que moitié je ne connaissais pas et l'autre moitié je savais que c'était pas bon du tout. Puis donc je me suis dit est-ce que je le mets dans l'immobilier? Non, parce que là aussi il y a des sharks, comme on dit, des requins. Voilà. Et des fonds d'assurance, pareil. Donc je me suis dit j'ai envie de faire quelque chose d'éthique avec mon argent et j'ai envie de savoir où il va. Et je m'en fous d'avoir des intérêts, etc. Parce que la différence est aussi ça. On l'appelle des actions, mais il faut pas du tout s'imaginer que c'est des actions pareilles à n'importe quelle autre société cotée en bourse. Non, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment l'achat d'une part d'un projet qui sert à créer des possibilités pour des jeunes agriculteurs qui veulent se mettre à l'agriculture biologique ou très raisonnée. Des projets que vous connaissez. Des projets que nous, on connaît. On peut d'ailleurs dire que l'aspect lucratif est mis à l'écart, en fait. Enfin, bien qu'on appelle ça des actions. Ouais. La différence sur l'actionnariat classique, enfin, de l'actionnariat dans une démarche capitaliste classique, on place de l'argent et on souhaite une rétribution du capital, donc avec un certain pourcentage. Nous, en fait, on peut pas proposer ça dans la mesure où l'argent, il est placé. L'idée sous-jacente de la foncière, c'est d'extraire les terres du marché aussi foncier, et donc de jamais revendre les terres. C'est vrai que il y a cette idée, et donc puisqu'on ne revend jamais les terres, il n'y a pas de plus-value. On n'est pas sur un système où on place de l'argent et il y a une plus-value parce qu'on revend plus cher et qu'on fait une belle affaire. Plus-value des actions, voilà. Plus les dividendes, comme dans le capitalisme classique. C'est totalement différent. Les gens font l'impasse sur le dividende. Il n'y a pas de dividende. Donc, on devient actionnaire. Mais en fait, c'est vrai qu'on ne devrait pas appeler ça action. C'est plutôt un investissement solidaire. C'est de l'investissement solidaire, en fait. Et je préfère le terme. Oui. Non, mais après, c'est aussi, on est pollué par les termes parce qu'on doit demander un visa à l'autorisation des marchés financiers quand on fait un appel public à l'épargne. Donc, on est pollué aussi par les termes qui sont communément utilisés pour des sociétés. Non, moi, je trouve ça très bien, en fait, que vous investissiez en le polluant de l'intérieur, le système. Je trouve ça très bien. Donc, gardez les mots action, gardez mise au marché. C'est très, très bien comme ça. Ouais, d'accord. Comme ça, on parle le même vocabulaire. Voilà, exactement. Oui. Elena avait fini sur son rôle en tant que... Oui, moi je suis actionnaire effectivement, ouais. Mais je suis surtout bénévole et en fait je fais partie d'un groupe local de Terre des Liens parce qu'il y a des groupes locaux partout en France et à Lille, enfin dans la métropole, il y a un groupe qui s'appelle le groupe local Lille Métropole et nous sommes une quinzaine de personnes et nous sommes un peu animés par William. Et on organise, on va dire, deux sortes d'actions. La première est de la communication. On essaie de faire de la communication sur le territoire, pour les citoyens, pour les élus des communes de la métropole, sur ce que c'est Terre des Liens, les projets, les actions, etc. Et puis, on fait aussi de l'accompagnement aux porteurs de projets. Ça veut dire que Terre des Liens nous met en contact direct avec des jeunes, des agriculteurs qui cherchent des terres. Et nous, en tant que citoyens, on essaye de créer un réseau pour mener des actions pour chercher de la terre et trouver de la terre pour eux, en fait. Et c'est une démarche assez exceptionnelle, originale de Terre des Liens qui nous plaît beaucoup parce que on est vraiment en contact direct avec ces personnes qui cherchent à s'installer. C'est-à-dire que vous allez chercher chez les agriculteurs propriétaires, vous allez dans les collectivités locales. Les propriétaires terriens aujourd'hui, quoi, en fait, en gros. Oui, on s'invente tout type de d'action. on essaye d'être très créatif. On a fait, par exemple, on a organisé, il y a plein de choses, mais là, moi personnellement, j'ai participé à des entretiens auprès des agriculteurs qui sont actuellement, enfin qui travaillent, qui ont de la terre sur un secteur spécifique de la métropole, pour essayer de comprendre comment ça marche la transmission de la terre, parce que ça c'est un argument très important pour Terre des Liens. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'un agriculteur part à la retraite et puis qui prend les terres, en fait. Et on a essayé de comprendre s'il y a parmi ces agriculteurs une sensibilité aux questions foncières et une sensibilité à l'agriculture biologique aussi et aussi s'ils connaissaient Terre des Liens, etc., pour voir s'il y avait des ouvertures. Est-ce qu'on sent une progression par, dans le milieu agricole, par exemple, de cette sensibilité à la fois à l'agriculture biologique, aux besoins des jeunes de s'installer, au refus, par exemple, de l'agriculture de plus en plus industrielle, ou est-ce que ça commence à venir? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que tu as senti, toi, en rencontrant les... Alors, c'est difficile à dire. Je pense qu'il y a, un peu de tout hein, en ce moment. Il y a certainement une réflexion un peu plus profonde sur l'agriculture qui s'appelle l'agriculture conventionnelle. Par certaines personnes, mais moi personnellement, j'ai rencontré aussi malheureusement encore des jeunes agriculteurs qui sont encadrés dans le système traditionnel. Et ça, ça vient malheureusement beaucoup des écoles de l'agriculture. Je ne sais pas comment elles s'appellent. Les lycées agricoles, etc. Qui donnent une impostation très définie, très fermée sur l'agriculture traditionnelle. Vous voulez dire que les écoles d'agriculture ne sont pas sensibles à la bio? En fait, c'est vrai que le milieu de l'agriculture est pas toujours très très connu, mais si on se plonge dans comment est organisé le ministère de l'agriculture, c'est comme un état un peu dans l'état, quoi, dans le sens où il y a les écoles, les lycées agricoles, les écoles d'ingénieurs en agriculture aussi sont pilotées par ce seul ministère, et donc à la fois le cursus pédagogique, l'encadrement technique, les décisions politiques sur l'organisation du marché agricole, etc. Tout ça est piloté par un seul ministère, et c'est vrai que l'agriculture biologique est encore vraiment, on va dire, à la marge. L'agriculture biodynamique, j'en parle même pas, c'est presque tabou, on va dire, dans les lycées. C'était pour René. Agricole. Mais et c'est vrai que le fait que des citoyens de la métropole aillent voir quel est l'état des réflexions des agriculteurs aujourd'hui, c'est vrai que ça met en évidence une sorte de décalage de gens à qui il faut pas jeter la pierre, mais qui ont été pendant 50 ans, enfin surtout depuis les années 60, les lois d'orientation agricole que t'as mises en place après la Seconde Guerre mondiale, ils sont insérés dans un schéma. Et la PAC par la suite. Et la PAC, voilà, qui est venue alimenter tout ça. Ils sont dans un schéma, effectivement, où ils se retrouvent déjà avec peu de capacité de pouvoir réfléchir sur toute forme de production, parce qu'on leur a asséné le productivisme, que ce soit dans les techniciens qu'ils encadraient, les syndicats agricoles, on va dire plutôt le syndicat agricole majoritaire, etc. Tout était fait pour que finalement ils puissent, et les écoles, bien entendu, ça c'est sûr, les écoles en premier lieu. Donc c'est, en fait, c'est on va dire un parcours entier qui fait que les ouvertures et les brèches sur d'autres formes de production sont compliquées, et voilà, donc on se retrouve un peu confronté à ça, et du coup avec des gens qui se lancent dans l'agriculture biologique parfois de manière, et d'autant plus en Nord-Pas-de-Calais, on est dans une région très insérée sur l'industrie agroalimentaire au niveau du paysage agricole, donc l'agriculture biologique devient quasiment anecdotique. Donc c'est vrai que voilà, il y a un travail Mais il y a immense. Quelques exemples, j'ai lu quand même dans votre revue Terre Tous, d'ailleurs, c'est amusant comme titre, c'est bien aimé. Il y a quand même quelques exemples d'élevage ou de maraîchage qui prennent, non? C'est vraiment marginal, je suppose, quand même. C'est marginal en termes de surface que ça peut représenter, de nombre d'installations. Par contre, c'est voilà, parmi ces fermes, il y en a qui sont vraiment exemplaires, qui sont parfois même indépendantes des subventions de la PAC dont on parlait tout à l'heure, et qui arrivent à faire tourner, vivre des gens sur des surfaces beaucoup plus modestes que certaines grosses fermes qui sont sur 150 hectares avec une seule personne qui travaille. Donc, et c'est vrai que c'est des fermes qui fonctionnent bien, qu'on a pu soutenir pour certaines grâce à Terre des Liens en région. On a pu soutenir comme ça quelques projets via la foncière, faciliter des transmissions. Et c'est vrai que les opérations de d'acquisition de foncier pour favoriser des transmissions qu'on a pu établir aujourd'hui. Celles qui ont été réussies, c'est vraiment, ça tenait quand même souvent à la volonté du cédant. C'est-à-dire que c'était soit déjà des fermes en bio et qui avaient la volonté de transmettre parce qu'ils ont travaillé sur un outil de production exemplaire, qui veulent le transmettre. Et c'est vrai que pour récupérer des terres qui sont aujourd'hui en agriculture conventionnelle et qui permettraient d'accueillir des jeunes, etc., on est sur des démarches de sensibilisation beaucoup plus complexes et on n'a pas de cadre contraignant aujourd'hui, quoi. Il n'y a pas de... Y a le cadre aujourd'hui juridique ne... En gros, les terres partent à l'agrandissement, les démarches pour pouvoir réguler ces flux de foncier sont encore limitées. C'est là où il y a un pas encore à franchir au sein de Terre de Liens, qui serait voilà, des constructions, enfin des recommandations, on va dire, à l'échelle nationale ou européenne sur une nouvelle gouvernance du foncier, mais on n'en est pas du tout là. Même si les débats s'initient autour de ces questions-là. Mais voilà. Ça, c'est une question. C'est l'étape d'après. Oui, voilà. C'est une question que on pouvait pas éviter. Vous avez d'autres équivalents en Europe que Terre de Liens? Vous le savez, ça? En Italie, sûrement, je le sens. Elena, tu me parles. Oui, il y a. Alors, en fait, non. À niveau, Terre des Liens est assez avancée comme association et c'est vraiment exemplaire en Europe. Pour l'Italie, en ce moment, il y a une sorte de naissance très très récente de certaines associations qui justement ont pris des contacts avec Terre des Liens pour voir un peu, pour faire un petit échange d'expérience, pour comprendre un petit peu, voilà. Et donc il y a en particulier il y a un projet européen qui s'est mis en place qui ressemble des associations similaires à Terre des Liens en Europe pour exactement ça, pour voir un peu comment grandir à niveau européen pour après peut-être essayer de faire un petit lobby je ne sais pas, même si j'aime pas trop ce mot, mais à niveau de l'Europe. Et on a des échanges, voilà, on a des échanges échanges aussi avec des Belges et on les rencontre, je pense, assez régulièrement et ils sont ils ont fabriqué leur propre outil avec la création d'une, alors ils ont pas les mêmes statuts juridiques que nous, mais ils ont aussi joué comme nous avec le cadre et ils ont créé une société coopérative d'acquisition de foncier. Ils ont acheté leur première ferme récemment, en fait, mais c'est vrai que il n'y a pas de structure aussi avancée que Terre de Liens en Europe, mais on voit des initiatives aussi en Allemagne. Il y a quelque chose qui s'appelle Regional Vert, et où il y a aussi ce rassemblement de, à la fois de consommateurs, agriculteurs, parce que c'est la grande originalité de Terre de Liens, elle est aussi dans le rassemblement des profils. Il y a des distributeurs, des producteurs, des citoyens, des investisseurs qui se rassemblent autour de ce projet. Et voilà, en Allemagne, il y a Regional Vert qui ressemble le plus, on va dire, à l'initiative de Terre de Liens. Mais c'est pas non plus anodin si c'est né en France plus spécifiquement. C'est aussi qu'on a le marché, le foncier, même s'il est déplorable, c'est le plus régulé d'Europe. C'est-à-dire qu'on a quand même des outils de régulation du marché foncier, la SAFER. Voilà, on peut émettre quelques critiques sur le fonctionnement de la SAFER, mais c'est quand même un outil de régulation du foncier qui n'existe pas, par exemple, chez nos voisins belges qui ont des terres, du coup, beaucoup plus chères, sur lesquelles ils ont encore moins d'emprise pour favoriser des installations. Donc on avait peut-être un contexte un peu plus favorable pour pouvoir faire naître ces types d'initiatives et voilà, qui sont liées aussi au niveau de régulation en France, quoi. René? Simplement pour donner une idée d'ensemble à nos auditeurs. Donc, Terre de Liens, il y a l'association dont on a parlé, il y a la foncière qui constitue le capital nécessaire aux acquisitions, et il y a une troisième entité, c'est le fonds de dotation. Je pense qu'on l'a abordé un peu, si vous pouvez en parler un petit peu. Alors, le fonds de dotation, le principe, c'est que là, la démarche, elle tourne plus autour de l'investissement solidaire, mais c'est une démarche qui tourne autour du don, Donc le principe d'un fonds de dotation, c'est de pouvoir, alors en tout cas le fonds de dotation qui a été construit par Terre de Liens, son principe premier, c'était de pouvoir accueillir des terres en don. Voilà, ça peut paraître un peu absurde, mais il y a des agriculteurs en fait qui sont tellement soucieux de la destinée de leur outil de travail qu'ils sont prêts à le donner, à le confier à Terre de Liens, parce que Terre de Liens a la capacité après d'en assurer une gestion en agriculture biologique, notamment en contractualisant avec l'agriculteur qui va s'installer et en mettant des clauses environnementales dans le bail, etc. Donc vous avez d'ailleurs ce qu'on appelle le contrat de un contrat de, je me rappelle plus du terme. C'est un bail rural environnemental. Voilà, le bail rural environnemental. Voilà, qui est entre le fonds de dotation et l'agriculteur qui cultive. Une sorte de contrat. Voilà. C'est ça. Sous le statut du fermage, qui protège aussi beaucoup le locataire, c'est-à-dire il a un droit d'usage, on lui offre un droit d'usage sur toute sa carrière, par exemple. Donc dès qu'il rentre sur les terres, il en a l'usage, et puis après il sait qu'à... Alors aussi on rentre du coup sur les terres de Liens avec une, en sachant qu'on va aussi les quitter, donc ce qui est pas aussi la démarche paysanne classique, parce qu'il y en a qui restent dans leur ferme même après. Donc du coup ça change aussi potentiellement le rapport au foncier, à la terre, comment on s'installe, et on sait qu'on peut être de passage aussi sur ces terres, quoi. Et le fonds de dotation, donc, peut accueillir à la fois des terres, mais aussi des dons en argent de personnes, parce que, en fait, accueillir une terre en don, ça a un coût, ne serait-ce que les frais notariés, ou rénover le bien, etc. Donc, du coup, il y a aussi des dons numéraires, quoi. C'est justement ce que je suggérais, l'idée, justement, enfin, c'était Antoine, du livre réagir, pourrait être aussi un complément de revenus, enfin une source de revenus pour Terre de Liens. René fait une proposition de gestion financière pour Terre pour le fonds de dotation. Fonds de dotation. Bon, il faudra qu'on aille voir le crédit coopératif ensemble. Voilà. C'est sa banque, évidemment. Il est en train de C'est également la mienne. Oui, d'accord. Bien, moi je voudrais poser une question pourrie. Le bio, alors c'est vrai pour tous, c'est possible pour tout le monde de bio? Alors, qui c'est qui se colle à cette question? Alors, je vous raconte une histoire. L'année dernière, j'ai participé à des cours de permaculture en Belgique. Et c'est des anciens, c'est les frères ouvriers. C'est un groupe d'ouvriers qui, en fait, dans les années 70, ont commencé à cultiver leurs terres parce qu'il y avait un moment de crise et voilà, ils ont dit bon, ok, on a un bout de jardin, on se met à cultiver ensemble et voilà. Et ils ont commencé à faire de la permaculture. Donc, très très simplement. Et bah, ils laissent la terre faire la Son travail, merci. Et donc, ils ont les aubergines à côté, les aubergines, hein, en Belgique, enfin, à côté de ce que normalement les gens appellent des mauvaises herbes. Et puis il y a un citronnier qui fait des citrons, je vous le jure. Et je l'ai vu avec mes yeux. Et puis plein de légumes de toutes sortes. Et ils disent voilà, nous on fait vraiment pas grand chose avec. Enfin, on laisse vraiment la terre travailler toute seule. Et on sait pas comment utiliser tout le bien qu'on a. On n'arrive pas à consommer tout ce qu'on a. Et ça, je pense que c'est un bon exemple pour dire que oui, le bio peut nourrir toute la planète. Moi, par rapport à ça. J'étais aussi une fois un colloque scientifique où ils posaient la question des rendements. En ce moment, les scientifiques de l'INRA sont très inquiets parce qu'ils voient pour la première fois dans l'histoire de la nouvelle agronomie une stagnation des rendements à l'échelle mondiale. Alors, ils essayent de mettre ça sur le dos des changements climatiques, etc. Et c'est vrai que est-ce que ça ne serait pas plutôt dû justement à l'épuisement des sols, dû à cette agriculture? Justement, ça, ils se sont pas trop posés cette question, mais en tout cas, on remarque que souvent ils réfléchissent très très rarement à l'échelle du système de production et en plus à une échelle de temps longue, parce que c'est vrai qu'ils regardent les rendements de la parcelle, par exemple la parcelle de blé, qu'est-ce qu'elle va nous donner, mais l'analyse de tous les intrants soit qui viennent, enfin soit les ressources fossiles qu'il faut aller chercher à l'extérieur pour alimenter ce sol, et puis l'analyse de l'épuisement de ce sol sur le long terme, donc les rendements qui vont de fait diminuer, ça n'est pas vraiment pris en compte dans leur calcul. Et c'est vrai que a priori l'agriculture biologique et biodynamique est une réponse à la fois sur une réflexion sur l'alimentation sur le long terme qui paraît beaucoup plus adapté et plus ensuite après la réflexion sociale autour de la capacité de cette agriculture à offrir de l'emploi et à favoriser le contact entre les gens plutôt que des fermes sur 400 hectares où tout le monde est seul dans son coin. Et de l'emploi qualifié, on peut le pressentir. Eh bien voilà, c'était donc William Leveluc et Elena Ferrario de l'association Terre de Liens sur les ondes de Radio Campus 106.6 MHz. Merci pour la qualité dans l'intervention de nos invités et merci Elena pour ton excellent français. Bon retour. Merci, arrivederci. Merci. Reste les rendez-vous d'Antoine. Antoine. Le calendrier militant que je vais présenter est marqué par quatre thèmes que sont le social et l'économique, énergie alternative, information et désinformation, l'eau, le bio et ses contrastes. Tout d'abord, crise de l'euro, crise de l'Europe, ou l'Europe entre doute et espoir. Cette conférence est proposée par le comité TOR des Amis du Monde Diplomatique le lundi 18 mars à 20h à la scène nationale de la Rose des Vents, boulevard Van Gogh, à Villeneuve-d'Ascq. Le bonheur national brut, ou le BNB, et les nouveaux indicateurs de richesse. Cette autre conférence est proposée par le CCFD, Terre Solidaire, le mercredi 20 mars à 18h à la Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités au 23 rue Gosselet à Lille. Agir contre le chômage renouvellera son expérience de petit-déjeuner militant le lundi 25 mars à 9h30 à l'agence Pôle emploi au 15 rue Sainte-Élisabeth à Roubaix. Le lendemain se tiendra un forum lié à l'éducation populaire pour une dynamique lilloise à la démocratie, à la citoyenneté et à l'émancipation le mardi 26 mars de 18h30 à 21h30 à la salle du gymnase au 17 place Sébastopol à Lille. Le tribunal populaire des banques, joué par des militants d'attaque et avec le soutien du collectif des assises citoyennes contre l'austérité, vous permettra de juger les banques le 6 avril à 16h à la maison de quartier au 77 rue Roland à Lille. Cette première thématique de rendez-vous militant se terminera par la projection de Germinal, chef-d'œuvre du cinéma muet, premier long métrage tourné dans la région Nord-Pas-de-Calais il y a tout juste un siècle, en 1913. Ce sera le vendredi 12 avril à 20h30 au cinéma L'Univers au 16 rue Georges Danton à Lille. Entrée 3 euros. Puis l'espace culture de Lilin, cité scientifique à Villeneuve-d'Ascq, poursuit ses conférences relatives au thème du nucléaire. Transition énergétique et géopolitique du nucléaire, le mardi 19 mars à 18h30. Sciences, technologies et démocratie, le mardi 2 avril de 9h30 à 17h, en s'inscrivant au 03 20 43 69 09. En parallèle, une projection du documentaire intitulé « Un gaz sous haute pression, enquête sur l'exploitation du gaz de schiste » suivie d'une discussion avec le collectif « Gaz de couche, non merci » est programmée le mercredi 20 mars à 20h30 au cinéma L'Univers au 16 rue Georges Danton à Lille. Ensuite, et dans ce même cinéma alternatif, le documentaire « Les nouveaux chiens de garde », suivi d'une intervention du réalisateur Gilles Balbastre, sera projeté le lundi 18 mars à 19h45, entrée 2,50 €. Information et démocratie, quel enjeu pour la citoyenneté ? Cette conférence est organisée par le Club de la Presse et le Comité Nord des Amis du Monde Diplomatique le lundi 8 avril à 20h à la scène nationale de la Rose des Vents, boulevard Van Gogh, à Villeneuve-d'Ascq. Enfin, la souveraineté alimentaire sera l'objet d'une rencontre culturelle dans le cadre des 30 ans du Comité Régional contre la dette du Tiers-Monde le lundi 18 mars à 18h30 à l'espace culture de Lilin, cité scientifique à Villeneuve-d'Ascq. la bio-utopie ou les voies contrastées empruntées par l'agriculture biologique est un documentaire qui sera projeté dans le cadre de la semaine du développement durable le jeudi 4 avril à 20h30 à l'Hybride, 18 rue Gosselet à Lille. En plus des rendez-vous organisés par le collectif Eau, dont le 27 mars à Roubaix, que René a cité dans son actualité d'attaque, une journée de sensibilisation à la problématique de l'eau dans le monde et de qualification des porteurs de projets est prévue le vendredi 22 mars à Los Angeles. Son programme est divisé entre quatre temps forts. La matinée est consacrée à la rencontre d'échanges de multi-acteurs pour la qualification des porteurs de projets. L'après-midi à la sensibilisation des jeunes scolaires, la fin de l'après-midi à un échange avec les collectivités territoriales, la soirée à la projection du film « Même la pluie », suivi de propos concernant la gestion de la ressource en eau. Renseignements et inscriptions auprès de Liane Coopération au 03 20 85 10 96 pour la rencontre et auprès de Los Ngourma au 06 10 16 57 95 pour la projection et l'expo photo. Programme et lieu exact via Liane pluriel coopération d'un seul tenant sans accent .org. À qui appartient le vivant? Les semences végétales en question. Cette conférence de Terre de Liens que nous venons de recevoir se tiendra le mardi 9 avril à 10h.